clipper. RGT. KWA des busy. 2-7, 2-7. Tiens, russe. Oh putain. J'me promène seul dans le pied carré, tu vas rien voir. Nana mère à l'embauche, j'ouvre les ailes du SN. Marré sur moi, ragé sur moi, dis-moi quoi ça te sert. J'suis en deux points avec XO, tout qui est du PLR. Le négro va bien. C'est bon déjà, bon déjà. La famille va bien. C'est bon déjà, bon déjà. Mon verre est plein. C'est bon déjà, bon déjà. Y'a du fil et plein. C'est bon déjà, bon déjà. Ça m'a sur l'épaule. 2-7 sur la joue, un trait couleur crawl. Papa dans le hall. 2-7 comme la Skyfall. Cœur en acier comme le P38. Bitch, froid comme un Inuit. Jamais vu sur les ailes de Greenwich. Non, Renoir dans le I8. Une grosse case dans chaque poche. J'pisse sur un mur avenue Foch. J'rentre dans ton cul avec une torche. J'te baisse ta mère même si elle est moche. KWA270, ah oui. J'suis dans le Porsche. J'allume les xénons pour un grand prix. C'est dans les rayons de chez Franprix. 4124 bouteilles de Brignac. Je niaque, c'est j't'aime à ton fiac. J't'imagine dans un boucac. Connu jusqu'à Phuket. Préviens toutes tes pinquettes. J'fais grave des grimaces en traçant. J'écrase les limaces en marchant. Philippe 5, bit turbo. J'disparais comme un chapeau. Bitch y'a de la cesse, no stress. Full de stress, c'est mes stress. Ne rentre pas si j'suis dans le VIP. Ne sors pas ce qu'il y a dans le slip. Kick et ta chatte fait des films. Comme une joie dans un club de strip. KWA des busy. Tu m'as vu cuisiner. Non. Je n'ai jamais lésiné. Non. Ah, usé du usi. Oh, micro excellent. J'ai du sang dans l'igarque. Bitch, suce-moi véhément. Et avale les oligo-éléments. De tête, tu nous l'écho. On rigole pas quand tu joues en Lego. On joue en soldat, on t'extermine. Comme les polars, on te termine. Comme les molars, j'suis dans le Nautilus. Avec ma trap queen. Intérieur cuir Brabus. Je vais sur ta twin. J'me promène seul dans le tiers carré. Tu vas rien faire. Panamera Lambeau, j'ouvre les ailes du SLR. Parlez sur moi, ragez sur moi, dis-moi quoi ça te sert. J'suis en deux bois avec XO, Touki et Luc Belair. Le négro va bien. C'est bon déjà, bon déjà. La famille va bien. C'est bon déjà, bon déjà. Mon verre est plein. C'est bon déjà, bon déjà. Y'a du fil et plein. C'est bon déjà, bon déjà. 2-7-0 frérot. Tout kippé. La famille, la famille. Si, si. Tiens, russe. Charisse.